Secret, I tell you, I am putting out the pot. Hey, ring the alarm. Hey, whoa. Put a smile on your face. Secret, I tell her, I am putting out the chalice. This is a sound man session, come follow me. Someone session, this is a sound man session. Et bonsoir à toutes et à tous, il est 21h12, vous êtes en direct sur Radio Campus Montpellier. Et ce soir, c'est le quatrième lundi du mois et c'est donc Campus Hi-Fi, l'émission Dub et Sound System de Radio Campus Montpellier. Toute une équipe autour de cette table, l'équipe habituelle déjà, Yanis. Salut. Comment tu vas? Bah super, hein, comme un lundi, comme d'hab. Bah ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Un lundi du mois de mai où il fait beau pour une fois, il fait chaud. Ouais, et on voit encore le jour. Ça va Romain? Bah ça va. Et le ensuite, jour est là, donc je vais bien. Et on est aussi avec Ludo. Mais salut, moi ça va très bien aussi. On est avec Flo également. Yes, I. Florian qui nous fait la technique, merci à toi Flo, et qui va nous faire une petite chronique aussi en fin d'émission. Ouais, carrément. Voilà, pour sa première dans Campus Hi-Fi, il rejoint l'équipe. Et on est aussi avec Jaël. Salut. Jaël, c'est notre invité aujourd'hui. Tu vas nous faire un gros petit live amateur de stepper. Yes. Ce sera en fin d'émission, rendez-vous à 22h. Et on parlera un peu de ta musique, de tes projets, de tes inspirations aussi tout à l'heure autour de 21h45, ouais, peut-être 22h avec le décalage. Mais en attendant, on va s'écouter un peu de musique parce qu'on est là pour ça aussi. Et je vous propose d'écouter un petit morceau de Dreadful, c'est sorti le mois dernier, on retrouve ça chez ODG Prod. Le morceau s'appelle Social Media. Words are fucked up. Desperate for stardom, boy. Out like an anthem, the end vision creates like fire burn. We like water to wild fist burn. Watch we now, we blow down your system. Some say that fights ain't productive. We bring the noise, octave by octave. Some do believe they get free in this planet, enslaved by all the goods them try and forget. Some say there is like a misconception in understanding, and they might advertise too much division between earthlings. Kids are locked up in a Facebook look, fake who fight fake stars, better burn in my notebook. Talk shit borders and minds are locked up in your reptilian brain songs, the words are fucked up. You can't buy your illusion of freedom, huh? When your fellas are getting desperate for stardom, boy. Kids are locked up, desperate for stardom, boy. Words are fucked up, desperate for stardom, boy. Kids are locked up, desperate for stardom, boy. Words are fucked up, desperate for stardom, boy. Advertise. fool shit live on your radio. No matter what they see, they're gonna play on your stereo. Keep on buying the products that they're selling ya. Keep on making bombs and they're playing ya. Slavery days ain't over when the youths them are the new slaves. We bring new screens, are filling with coffins. It's a new day coming with build new skills and brand new rhythm. They play new bass for the youths them. Get ready, ready, ready. Kids are locked up. People start a boy, boy. Words are fucked up. Desperate for start a boy, boy. Kids are locked up. Desperate for start a boy, boy. Words are fucked up. Desperate for start a boy, boy. Kids are locked up. Desperate for start a boy, boy. Words are fucked up. For Stardom, boy. Et du coup, c'était le morceau Social Media du dubber Dreadful. Et pour répondre à votre question, c'est sorti exactement le 23 avril dernier, soit un jour, je crois, après notre émission, le lendemain de la dernière émission. Voilà, et on retrouve ça donc, sur le site de DG Prod. Le B s'appelle Dreadful Meets Massacos. Et on va tout de suite passer à la chronique de Romain. Vous l'avez sûrement reconnu, on vient d'entendre un extrait du dernier album de celui qu'on ne présente plus. Et ouais, je parle bien de Panda Dub. Alors, on peut retrouver cet album qui s'appelle Horizon. Il est sorti chez ODG Prod en libre téléchargement, classique comme d'habitude. Surtout depuis le 13 mai dernier. Et du coup, c'est un petit bijou. Ce nouvel album, il regroupe 14 morceaux, dont 7 sont des remixes. On retrouve un remix de KSD et Marina P. On en retrouve un autre avec Attili, Poupadjim et Bigaranks, Flavia Coelho, Solas, Alpha Stepa et Tenor Yousman, Bonnie Enrique et Tomorrow's World. Voici par exemple un petit avant-goût du remix du morceau avec Flavia Coelho, ça donne ça. Voilà, et c'est la première fois que l'artiste nous propose autant de remix sur un album, et honnêtement c'est un vrai régal. D'autant plus qu'il propose pas que des remix de dub, comme là on vient de l'entendre, et pour le plaisir de nos oreilles je vous en remets un autre extrait. Ce remix c'est un remix du morceau Drive, une musique avec Tomorrow's World. We'll be right back. s'agit du 6e album de Panda Dub et du coup dans celui-ci on retrouve beaucoup de sons à la fois lents et planants comme on vient de l'entendre notamment avec ce morceau mais celui d'avant aussi et comme l'artiste a toujours su le faire depuis ses débuts quand même. Et en parlant de ses débuts et de ses albums précédents, on retrouve quand même dans celui-ci, je trouve, beaucoup de sons qu'on pouvait entendre dans son dernier album qui était Shape and Shadow, sorti il y a 2 ans. Et on peut y entendre surtout des sons d'ambiance en fait, je trouve, qui ressortent de cet univers assez typique de Panda Dub aujourd'hui. Par exemple avec le son Cross the Line, on retrouve cette ambiance qu'on avait un peu dans le dernier album aussi. Et voilà, ce dernier album donc, qui nous présente quand même une variété de sons assez incroyable et bien sympa à écouter. Je vous propose donc d'aller le découvrir sur ODG Prod. Et surtout, et moi je l'attends en tout cas avec impatience, le nouveau live qui va sûrement arriver après cet album. Oui, oui, là ils viennent de sortir de résidence d'ailleurs. Ah, et bah voilà. Ils sortent le nouveau live d'ici quelques jours, il me semble. Et bah c'est une très bonne nouvelle parce que ça risque d'être un régal pour nos oreilles. Et ce sera très vite qu'on retournera voir tout ça. On vous tiendra au courant, bien sûr. Pour finir en beauté avec cette chronique, je vous laisse sur le remix de KSD et Marine Happy pour le morceau qui s'appelle Something New du dernier album Horizon de Panda Dub. Waiting for something, I was waiting for something special. I've been in for a long time, but I didn't really mind. Yes, I was getting the line holding. Tie up, it will be there soon. Something peculiar, something new. But you was no one ever, now and nothing better. I've been so lonesome. Blow me your keys, I'll go on missing you to come on. One in a million, Voilà, c'était le morceau Something New, un remix de Panda Dub de l'original by KSD et Marina P. Merci beaucoup, Romain. Ah, la petite erreur de direct, on a rien entendu. Bah, du coup, merci beaucoup, Romain, pour cette chronique sur cette sortie de Panda Dub. Les autres, vous l'avez écouté, cet album, ou pas? Pas en entier, du coup. J'ai déjà entendu un des morceaux que tu nous as présenté, et sans surprise, hein, de façon Panda Dub. Pas besoin de l'écouter pour savoir que ça va être bon. C'est ouais. Ça. Exactement, le petit génie du reggae français, du dub français. L'électro-dub, hein, si on veut faire les... Ouais. Alors, électro-dub, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce terme, parce qu'il y a électro dedans. C'est dommage, il faut s'ouvrir un petit peu. Faut s'ouvrir, mais j'avais déjà vu une publication d'Ashkabad qui disait que... justement, électro-dub, ça leur plaisait pas du tout. Bah, alors, la nouvelle génération du dub, c'est compliqué, quoi. Un peu plus électronique. Et ça passe pas mal, en vrai, en festival. Ça ramène un public plus large que ce qu'on ne pouvait voir sur la scène dub avant. Ouais. C'est peut-être pour ça que je le mettrais dans électro-dub. Oui, carrément, on peut mettre dans électro-dub. Toujours pas assez fort? Non. Il y a pas un petit bed en fond Ah, en bien passage. Sûr. Ah. Ça donnera moins l'impression d'être dans un couloir. Voilà. Et ouais, non, personnellement, cet album de Panda Dub, bon, je l'ai pas encore assez digéré, on va dire. Mais ouais, très, très subtil, plutôt doux comparé au dernier. Ouais. Mais c'est bien vénère, ça. Genre Shape and Shadows. On n'a pas vu ça en live, à mon avis. Oui, il y a cette version live aussi qui envoie plus. C'est vrai que moi, j'avais été assez surpris par le live de Shape and Shadow qui donnait vraiment plus de dimension. Le Circle Live. Le Circle Live, il était extraordinaire. Oh que oui. Il était extraordinaire. Ouais. Panda Dub est toujours surprenant dans ses lives. Ouais, et puis comme disait Ludo, ça ramène du monde aussi. Et c'est peut-être un des artistes les plus connus aujourd'hui sur la scène dub, pour le grand public notamment. Et c'est vrai que c'est des concerts où à chaque fois ça ramène du monde, donc c'est plutôt sympa, ouais. C'est agréable. Voilà. Bon bah moi j'ai une autre sortie à vous présenter. Alors c'est sorti chez nos copains de, enfin le label de nos copains de Salvage Sound System, un gros big up à eux d'ailleurs, et de South Attack aussi. Leur label qui s'appelle Subsquad Prod. Et du coup, là, c'est l'EP de Digimon Dub, un jeune dubber du Vaucluse. Son EP s'appelle Drôle de Dub, et moi, j'ai choisi le morceau qui s'appelle Un simple voyage à vous faire découvrir. Thank you. et c'était donc Digimon Dub avec le morceau Un simple voyage qui porte bien son nom puisque c'était un petit voyage. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était très sympathique. Moi, j'aime bien le mélodieux et tout. Tu peux te poser, te laisser porter, te laisser bercer. Donc c'est sorti sur le label Subsquad Prod, le label des copains. Et maintenant on va passer à l'interview d'Aiton. On se trouve à Victoire 2 actuellement et on est avec une partie du crew Aiton. Salut les gars. Salut, Dom, Lionel. Donc vous êtes batteur. Le batteur Dom, Lionel, DJ. Et DJ. Il manque deux. Ouais, du coup vous êtes quatre au total ce soir. Quatre sur scène, ouais. Sur scène. Ouais. Aiton, c'est plus de 20 ans d'existence, plus d'une quinzaine d'albums et de coopérations diverses. Vous avez fait un sacré bout de chemin. Ouais, bout de chemin, ouais, carrément. Mais en fait, il y a 7 albums studio et puis autant de projets de rencontres. Au début, c'était vachement avec la scène dub qu'on croisait, qui était toute petite, quoi. C'était un peu une musique de... Underground. Yes, carrément. Ouais, on vous qualifie de groupe de dub, mais vous avez énormément d'influence de la techno, de la drum and bass aussi, même beaucoup de samples, hein, et de, ouais, notamment de sonorités orientales. C'est un peu votre patte. C'est ça. Le dub, c'est le matériau de départ, parce qu'au final, c'est une technique de studio, et puis rythmiquement, c'est ce qu'on faisait le plus. Après, quoi, il y a eu effectivement aussi des rythmiques plus... hip-hop, jungle, drum and bass. Mais on a eu envie, en tous les cas, et toutes ces scènes qu'on aimait et qu'on a découvert aussi, c'est ça qu'il faut voir, quoi, au début des 90s, quoi. C'est-à-dire que la scène hip-hop, elle nous avait aussi bien traumatisé que quand les crews de techno, des speed et tout ça ont débarqué, ça nous a plu aussi. Ces soirées-là, cette liberté-là, elle nous a plu. On a eu envie de garder aussi ce qu'on aimait là-dedans, par exemple, le fait que ça soit des... pluridisciplinaire, qui est de la vidéo, qui est de la déco, qui est des photographes, quoi, voilà, que tout le monde touchait, essayait de faire des choses pour ces soirées, et que c'était que des bandes de potes, et essayer de donner ça sans forcément se concerter, mais essayer d'être créatif, de réinventer les choses. Et ça a été une des assises pour Aiton aussi, cet espace de liberté, de conserver ces énergies qu'on aimait dans ces courants-là, quoi. Le hip-hop, c'est rebelle, le reggae, quoi, il y a plein de choses, il n'y a pas que... Il y a de la poésie dans le reggae aussi, quoi, tu vois. Et pour revenir justement sur cette scène dub, vous avez un peu participé à l'émergence de cette scène en France. Même, je dirais que vous avez un peu ramené le mouvement implanté en France d'une certaine manière, mm-hmm, avec le label Jarring Effect. Jarring, en fait, ça s'est monté... On a travaillé avec un sonorisateur qui s'appelle Eric Giraudon et qui bossait à la FNAC avant ça, qui connaissait bien la musique, qui avait été vendeur, machin, il faisait du son, il est devenu sondier de Aiton, et c'est de son initiative qu'est né le label Jarring, en fait. Et on a créé le label lors de l'enregistrement de Opus Incertum, le premier album. Donc effectivement, on était quand même plutôt assez proches, parce qu'on a participé au final à la création du label. What the time you have the dread? 12 o'clock. Et donc tout ça pour dire que voilà, qu'il y a d'autres scènes qui ont émergé en parallèle de cette grosse scène dub live, on va dire 98-2005-2007, la scène Sound System est arrivée en parallèle de ça, avec un peu aussi une manière un peu, je pense, instinctive, ce côté de tout faire soi-même, faire ses soirées, faire ses sonos, faire ses flyers, trouver des salles des fêtes au début, puis après trouver des lieux plus cool parce que les salles des fêtes c'est sympa, mais machin, content de finir à 5h dans des trucs, et puis se structurer, avancer aussi, quoi, voilà, donc c'est un peu des trucs cousins. Nous, il n'y avait que quel son que quelques sons de système parisiens, mais qui n'étaient pas du tout dans ce truc de un peu tuning, d'avoir la plus grosse sono, et fallait juste que ça arrache quand même bien la tête. Ouais. Mais c'était beaucoup plus côté Caraïbes avec les blues parties, des trucs comme ça, que on va dire l'establishment maintenant qui vient quand même beaucoup d'Angleterre. Voilà, des Channel One. Après, si, on montait au carnaval de Londres pour voir ça, mais en France, début 2000, t'avais pas ça. Ouais. Là, il y a une sono ou barcade dans chaque grosse ville. Ah ouais, là, c'est vraiment un phénomène qui est apparu voilà, depuis... Depuis 10 ans. Ouais, 10 ans. C'est cool, hein. Après, c'est juste pour dire que voilà, qu'il y a d'autres petits frères. Après, les live machines aussi. Plein de live machines. Tout ce qui est chez ODG, voilà, c'est quand même vachement plein de bons producteurs. Ben, en parlant d'ODG, justement, il y a eu l'album Dub to Dub, qui est un remix de vos morceaux par des artistes qui d'ODG ou qui gravitent autour du projet. Cet album pour vous, déjà, c'est vous qui en êtes à l'initiative, comment ça s'est passé? C'est nos nouveaux managers justement qui sont à l'Afterwork et qui ont tous les artistes en gros d'ODG qui en booking, qui ont dit tiens, ce serait marrant. Et là du coup, parce que nous on avait fait justement pas mal remixer ou des dubplates par la Sound System, type BF, Standby, tout ça. On avait beaucoup de badis, quoi, voilà, toute la Sound, on avait eu des choses. Et là, c'est vrai que toute cette génération de jeunes producteurs tous qui passent forcément Sound System, même si des fois ils y jouent, mais globalement ils jouent sur scène avec leur laptop, leur contrôleur. Ils ont dit tiens, ce serait marrant de lancer, de vraiment qu'on ait accès aussi aux 20 ans d'archives. Et c'est vrai que bah, du coup, c'était bien à faire parce que nous, ça nous a permis justement de voir ce qui nous restait sur 20 ans d'archives, parce qu'au final, c'est pas... On n'avait pas tout, on a dû retrouver des trucs, pour avoir des formats de certaines... Des trucs qui sont irrécupérables de l'époque, qui ont été enregistrés sur des systèmes que tu trouves plus, et voilà. Mais bon, on a retrouvé quand même les 80% de la discographie, hein, mais il en manquait un peu quand même. Donc ils ont pu piocher là-dedans, chacun leur choix, hein. Ouais, moi j'aimerais bien faire ça, et voilà. Et là, pour du coup, ce qui a été bien aussi, c'est que public de tout ce jeune public qui suit tous ces nouveaux artistes dub, il y en a sûrement pas mal qui ont découvert Hayton par le biais de ce disque. C'est aussi un... Sound waves reaching the microphone are changed into impulses of electric current. What you're going to hear about today is nothing short of a miracle. Et là aujourd'hui, on a le dernier album qui est sorti au mois de mars, et Time Has Come, et d'où cette tournée en ce moment, ça se passe bien d'ailleurs. Ouais, c'est cool, carrément. Ouais. Et il y a du monde, ça brasse, c'est bien. Et Time Has Come, pourquoi le nom Time Has Come? Ça vient d'un sample. Ça part d'un sample de Timothy Leary, et après c'est... suffisamment, comment dire, fourre-tout pour que tu vois le temps est venu de ce que tu veux, c'est assez ouvert, de te barrer, d'aller faire tes courses, de refaire un album, parce que c'est vraiment, t'as plein de... C'était pour ça, s'il y avait un message derrière. D'arrêter. Non, le Time Has Come, quoi. Est-ce que vous avez peut-être un adjectif, un mot pour décrire le son Hayton? Ça plutôt un adjectif pour décrire. Ethnodub. Ouais, ce que non, voilà, mais j'assume plus du tout. Il fallait trouver les étiquettes à l'époque, donc il y avait Ethnodub, mais c'est plus le cas. Je sais pas. C'est. Pas facile comme question. Non, mais après c'est quoi? C'est éclectisme, c'est... Oui, voilà, pluri quelque chose. C'est une forme de liberté, quoi, dans le discours. Quelque chose de... Voilà, de quoi, on n'espère pas attendu. Voilà. Se répéter aussi. Ouverture musicale. Allez, c'est pas mal. Thank you. Un grand merci à Ayton de nous avoir reçus en interview, un grand merci à Victoire 2 aussi, et voilà, Ayton et toute leur équipe de tournée. Et du coup, on a pu assister à ce concert, c'était le 18 mai dernier, ouais, il y a ça. 9 jours, très exactement. Et pour ma part, c'est la première fois que je voyais Ayton. De même. Et du coup, je suis content d'avoir pu assister à ce concert, d'avoir pu les voir. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine énergie. Depuis le temps qu'on en parle, c'est sûr qu'il est... ouais, c'est clair. Il était temps. Malheureusement, moi, j'ai pas pu être là. Ouais, c'est ça. Ça revient quand même souvent, surtout avec les artistes qu'on voit. Hein. C'est vrai que c'est vieux. Enfin, ils ont 20 ans d'existence, plus ou moins, enfin un peu plus. C'est des trucs que j'écoutais déjà à la maison, enfin du moins que mes parents écoutaient. Donc, c'est dans la première, ouais, dans percé, les premiers quoi, de la scène française au niveau du dub. Ça en a inspiré beaucoup, en tout cas. Ça, on commence à le savoir. Ah, du coup, on a été les voir, c'était Victor Doha, c'est ça, le 18 mai. On a discuté avec le DJ Lionel Dumas, ou aka DJ 12, et avec le batteur Dominique Peter. Le groupe a été fondé à Lyon en 97, mais il est constitué de 4 musiciens, enfin actuellement, parce qu'ils étaient 5, il me semble, à un moment. Ouais. Avec Natural Light Dub qui a fait son projet solo, c'est ça, ouais. Voilà. Il fait son petit bonhomme. Et donc les deux derniers, c'est les frères Oresta, qui, pendant que nous interviewaient Lionel Dumas et Dominique Peter, eux, ils animaient de leur côté un masterclass avec l'école de MAO Fastlane. Et du coup, en effet, ils sont servis du logiciel Ableton pour élaborer leur dernier album. Et ils ont pu échanger avec toutes les personnes présentes dans le patio sur leur manière de l'utiliser. Après, la première partie de la soirée, c'est animée par Travel Sound, que l'on aura en invité pendant la prochaine émission le 24 juin. Moi, j'ai bien kiffé, hein, en vrai, aussi, quand même, le concert d'Ayton. Ils ont su jongler entre tous les sons du nouvel album et des classiques. Je pense à Rebat devant un thème, par exemple. Mais tout, c'était joué en live, donc vraiment d'une autre manière de ce qu'on peut entendre d'habitude. Ils nous ont vraiment plongé dans leur univers éclectique, hein, comme on a pu l'entendre un petit peu pendant l'interview. Avec des moments vraiment dark, industriels, proches de la techno, un peu de drum and bass ou du rock. Et d'autres passages bien plus dub, plus joyeux. Et ouais, c'est vrai que, comme je disais, 20 ans déjà d'Ayton. Et ils ont vraiment su se réinventer à chaque fois des nouveaux styles, etc. Ça s'est vraiment ressenti tout au long du concert avec pas mal de différences entre d'un morceau à l'autre. Une évolution. Ouais, et toujours vraiment sympa, quoi. C'est, musicalement, c'est quand même bien construit, hein, ils savent y faire. Moi, je vous conseille vraiment fortement d'aller les écouter, ainsi que leur dernier album, qui, on rappelle, se nomme Time Has Come et qui est sorti début mars. Et si vous les avez loupés à Montpellier, ils repasseront à la MOBA à Bagnols-sur-Cèze en septembre. What the time you have the dread? 12 o'clock, nothing. Roots. Merci beaucoup Ludo pour ton petit retour sur cette superbe soirée de samedi il y a 10 jours. Et maintenant, c'est l'heure d'accueillir notre nouveau membre de Camp Sci-Fi. Flo, t'es venu nous parler de deux artistes que t'aimes bien. Oui, grave. De deux artistes majeurs du dub stepper, ou du dub en général. Donc je vais vous parler d'Alpha Stepa, monsieur, et d'Ashkabad. Donc tout d'abord, on va vous parler d'Alpha Stepa, qui est un très grand dubber, comme on peut dire. Oui. Londonien, fils d'Alpha and Omega, alors fils et neveu, pour l'exactitude de l'information. Ah. Et donc il vient de Londres, très très gros melting pot du dub, je trouve, Londres, avec Irration Stepa, d'autres très grands noms du dub. De toute façon, le dub avant de venir en France, c'était le dub UK, il était en Angleterre, ouais. Quoi, le stepper. Carrément, c'est clair. Et avant en Jamaïque, bien évidemment. Et bien avant en Jamaïque. Et du coup, Alpha Stepa qui nous a sorti trois énormes albums, dont un précisément qui s'appelle Rotten Road. Si mon anglais est bon, je sais pas si vous pourrez me corriger. Ça veut dire que c'est passable. Et donc je vais vous faire écouter un petit extrait de cet album avec la musique Mix Up, évidemment. Et après je vais vous parler d'Ashkabad. Against you and me, perpetuate the dark intent, but to the devil send me not repent. Do all they can to fulfill prophecy, but I'm a prophecy for you and me. All them I plan a genocide and slavery, a time mankind will be free. Yes, people of the mixer, fixer, this life we are living ain't right. world must stand up, defending our human rights. So all that glitters is not gold, so don't you go believing their hype. For living in this matrix ain't easy, standing beside one another and fight. Ça, c'était le morceau Mix Up, Fix Up de Alpha Steppa feat. Prince Jamo sur l'album Root and Growth. Et du coup, je vais vous parler maintenant de Ashkabad. Ashkabad, écoutez, comment expliquer ce groupe génial ? Génial qui vient d'Avignon. C'est deux gars, deux gars qui sont juste extraordinaires. C'est un chanteur qui s'appelle Roj. Et le mec aux machines qui s'appelle Bast. Et ces deux gars-là, que c'est un petit peu des copains. Ils se produisent souvent au Zion, sont des bénévoles de longue date pour le Zion. Et ils nous ont sorti, il n'y a pas si longtemps, alors j'ai pas les dates sous les yeux, l'album Reptile, qui est un condensé de très très bonne musique. Parce que vraiment, je peux que vous le conseiller. Rien que le premier album, International Skanker, qui est exceptionnel pour moi. Vraiment, c'est une référence dans le dub français. Et là, ce nouvel album, Reptile, il vient connoter un peu plus leur discographie, qui est déjà assez énorme. Puisque Bast, vous pouvez le retrouver aussi sur le projet Bast Troopers avec un gars d'Emma Home, je sais plus qui exactement. Et franchement, je peux vous le dire, je peux que vous conseiller d'aller écouter tout ça. Et on s'écoute The Streets, qui vient de l'album Reptile, du coup, feat. Naija. Upon a place called home to get some rest. Et voilà. Haha. Petit bijou. De retour sur Radio Campus Hi-Fi. Radio Campus Montpellier, Campus Hi-Fi. Yes, merci. On s'approprie la radio pour un live de 1 an. On a ramené une autre track aussi d'Ashkabad du dernier album. Carrément. Carrément. On voulait la jouer ce week-end sur la Sonote Salvage. Ouais. Moi, je jouais peut-être un peu tôt pour la passer celle-là. Et puis là, il est peut-être un peu tôt pour la passer aussi, mais bon, mais ça jamais. Fait jamais de mal un bon gros son qui décolle de ton siège. Et du coup, ça vient du dernier album. Exactement. Oui, ça vient de Reptile, ouais, exact. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Reptile. Une merci. Dernière track. Mais de rien, de rien. Allez, on s'écoute Ashkaba Black Mamba. I continually, no matter what the weak heart say, I and I is like a tree that planted by the river of water. And not even the dog that piss against the wall of Babylon shall escape this judgment. For I and I know that all of the youth shall witness the day that Babylon shall fall. Et voilà, c'était le morceau Black Mamba de Ashkabad, issu de l'album Reptile, sorti il y a très... Bah, je sais même pas quand, c'était il y a 2-3 mois au moins. Et du coup, ça reste un petit bijou à s'écouter quand on veut. On passe maintenant à l'agenda avec notre ami Yanis qui nous fait tout ça. L'agenda du mois qui est plutôt chargé, hein, même si on exclut toutes les sorties de la fête de la musique, donc Cédric vous détaillera après. Ludo. Et ah, Ludo. Ok. Ou Cédric, un des deux en tout cas. Donc on commence avec le Sunset Reggae Festival qui se déroule le 31 mai dans la commune de Joyeuse en Ardèche. Un peu loin, mais ça peut valoir le coup de s'y déplacer vu que l'événement dure 3 jours pour avoir s'y produire des artistes comme Rosa Chanty, Roots Attack ou encore Scaramucci. Le pass 1 jour est à 12€, le pass 2 jours à 20 et le dimanche est gratuit. Le même soir à Bagnols-sur-Cèze, vous pourrez assister au concert de Raccoon à l'occasion de sa tournée pour son nouvel album. La soirée commence à 20h et à 8€ en pré-vente et 10€ sur place. Encore une fois, le même week-end, ça sera la 11e édition des Couleurs Urbaines, où on pourra aussi y voir, comme m'a dit Flo, HK Bad. Moi aussi, du coup, L'Entourloupe, Kanka, Raccoon et After All, pour citer que. Exactement, After All seront avec leur sono, et vous pourrez du coup voir HK Bad sur leur sono, et ICO et Lickle Ferguson sur la sono de After All. Yes, bah, carrément, ouais. Festoche à pas louper, donc Festoche qui se déroule du vendredi au samedi. Et j'avoue que malgré mes recherches, j'ai pas trouvé les prix qui ont peut-être pas été annoncés encore. Si jamais c'est pas le cas, j'encourage tous ceux qui sont intéressés d'aller voir par eux-mêmes sur l'événement Facebook où vous trouverez du coup plus d'informations. Donc on continue avec du très fat. Le Southern Resistance Festival qui aura lieu le 6 juin au Mas des Lozières de 14h à 6h du matin. On pourrait y retrouver la sono des Welder Hi-Fi, Joko Sound, Rough Stereo, Equal Brothers, Strong Little et Imperial Mighty Sound. Donc une soirée bien chargée en basse comme on les aime. Et du coup 3 scènes pour 16h de son et tout ça pour la somme de 12€ en pré-vente et 15€ sur place. Plutôt, ouais. Il me semble que c'est le 8 juin et pas le 6. Ouais. Pour, ah, je confirme. Peut-être. Il me semble bien que c'est le samedi 8. C'est une erreur de ma part, du coup. Ouais. Bon. Du coup, le week-end d'après, donc le 16 juin, cette fois si je me plante pas, il y aura le Roots Reggae Weekender, 3 jours de son au lieu-dit Bois-Bas. Donc on pourrait y retrouver Rootsing, Sound System, Raga Youth, Posse et Redline et bien d'autres. Donc aucune info sur le prix n'a été donnée pour le moment, j'imagine qu'il y aura bientôt plus d'infos étant donné que pour l'instant ça reste quand même un événement un peu underground étant donné que c'est sur un village un peu un peu plus alternatif. Ouais, voilà. Et donc on termine avec Grandation en concert le 16 juin à Bagnols-sur-Cèze, donc le même soir. À l'occasion du Before du Zion, les places sont à 25€ en pré-vente et 28€ à la billetterie. Donc c'est tout pour cet agenda et je vais maintenant laisser Cédric ou Ludo vous parler des ruelles à visiter pour pouvoir skanker à la fête de la musique. Ouais, du coup, alors en parlant de ruelles, vous pourrez par exemple le soir du 21 juin vous promener le long de l'école de pharmacie avec Salamon Heritage et Ballet Batch Crew qui seront devant le magasin Roots Addict Shop. Un son de Montpellier Reims entre Imperial Mighty Sound et Travel Sound qui seront eux devant l'ODB. Ouais, ça donc, va être bien cliché hein, ces deux rues là. Chaque année, ouais, voilà, c'est ce sera à 50 mètres. Hein. De l'underground ouais, du centre Montpellier Reims. Donc l'ODB, c'est, on rappelle, 18 rues des écoles laïques. Voilà. Voilà, Rétram Louis Blanc. Oui, c'est ça. Exactement. Ensuite, après les collègues, JWP. Eux, quand ils sont pas du tout à Montpellier, ils seront accompagnés de Don Matino et Lodica. Ouais, j'en parle parce que c'est quand même. Bien sûr, gros, ils sont de Montpellier. Un des systèmes, ouais, voilà. Pour, donc eux, ils seront à Marseille, rue Briffaut, au numéro 34. Bon, après, vous marcherez si vous êtes dans le coin. Après, Welders Hi-Fi, eux, bah, restent un petit peu plus dans leur secteur, au parc de la Cantonne à Avignon. Ouais. Donc voilà, j'ai pas fait un énorme tour, mais c'est déjà pas mal après, voilà, hein, c'est traditionnel, la fête de la musique, en plus un vendredi classique. Soir, vous vous promenez de ruelle en ruelle et vous tombez là sur des surprises. Et les artistes aussi, donc... Et après, bon, y a Radio Campus qui fait un gros événement. Là, voilà. J'ai Cédric nous en dire peut-être un peu plus. Alors, c'est Radio Campus. En fait, c'est les radios montpelliéraines du CRLO, le collectif des radios libres d'Occitanie. Donc, Radio Campus et nos amis de Radio Clapas de Divergence FM. On organise, on aura une petite scène Place du Plan de l'Homme avec des DJ sets et Place Candole aussi, une autre scène avec des groupes locaux qui viendront jouer. Voilà. Est-ce que Will Daga sera présent? Paraît-il, okay. Zota aussi, à qui on souhaite un bon anniversaire au passage. Il est derrière la vitre, quelque part. Mais du coup, je propose qu'on s'écoute un petit morceau et après on va revenir avec notre invité du jour, Jaël. On va s'écouter un morceau de Fikir Alam Lak et de King Alpha, Key to the Universe. The third eye, brow center, when visualized and vitalized, bestows the faculty of sonomancy. De retour dans Campus Hi-Fi, l'émission Dub et Sound System de Radio Campus Montpellier. Et du coup, on est avec notre invité du jour, Jaël. On t'a déjà dit bonjour tout à l'heure, mais on va le refaire. Hein. Ouais. Salut. Bah, merci d'être parmi nous. Alors, Jaël, c'est ton prénom et c'est aussi ton nom de scène. C'est ça. Ah, ça s'écrit pas de la même manière. Jaël, apostrophe L. Jael, ouais, un jeune dubber du coup. T'as ouais, exact, 17 ans. 17 ans ? Ouais, 17 ans et demi. T'es en première ? Ouais, première, ouais. Et ouais, du coup, tu fais du dub depuis combien de temps ? Bah, ça fait un an que je fais vraiment, je me consacre qu'au dub, quoi. Mais ça fait deux ans que je compose Ableton, tout ça. Mais voilà, un an vraiment dub. Tu faisais quoi avant ? Avant, je faisais plus d'autres styles, plutôt trap, choses comme ça. Toujours dans les basses, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai toujours bien aimé. On n'en sort jamais. Et un jour, t'as écouté Panda Dub ou un autre, et tu as eu la révélation. Ouais, Panda Dub, ouais, même depuis tout petit, Bigaranks, beaucoup. Ouais. Et encore maintenant, mais ouais. Panda Dub aussi. Panda Dub aussi. C'est une référence. Et dub, ouais. Ouais. Ah, il donne envie de faire du dub, ouais. Ouais. Du coup, tu fais, toi, tu fais du dub, bah, du gros stepper, on va dire. On va dire. Très stepper. Ouais. Ouais. Warrior, même ça. Un petit peu par moment. Ouais. Ça tombe bien parce que c'est typiquement ce qu'on aime comme genre de dub ici dans l'émission. Ouais, du coup, tu joues sur Ableton, tu nous disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, sur Ableton. Ouais. Tu fais un live dub sur Ableton. On a eu l'occasion de te voir jouer samedi dernier, là, il y a deux ouais, jours. Exact. Nous, on a particulièrement apprécié. C'était une très bonne soirée et ton set cool. Était très très bien. Ouais. Et du coup, donc, vous allez voir ça sur le live stream sur le Facebook, sur le live stream, tout à l'heure, dans peut-être une dizaine de minutes, même pas. T'as déjà fait d'autres dates, non ? Ça fait. Ouais, j'ai fait quelques petits trucs, ouais. Le week-end d'avant, j'étais à Avignon. Et ouais, voilà. Mais ça se passe bien. C'est bien, ça avance déjà. Tu commences à te faire ouais, un petit nom. Et... l'invité le plus jeune qu'on ait eu autour de cette table. Avignon, et c'est déjà... vraiment abouti comme projet, c'est bien. C'est sûr que ouais. Moi, j'aime bien, franchement. T'as des projets après, des sorties de son, un album peut-être, un EP. Franchement, je prévois pas tout ça. Là, je fais juste du son, je kiffe pour l'instant. Ok, ouais, bah. Ça commence et, ouais, je pense que ça viendra petit à petit. C'est le meilleur début. C'est, ouais. C'est bien. Bah, vous, auditeurs de Campus Sci-Fi, vous jugerez dans quelques instants grâce à son live qu'on va vous diffuser. Voilà, bah après, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, moi, ça me fait plaisir d'ici, c'est gentil de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir aussi. Bah, ça nous fait et également voilà. Plaisir. On va te faire jouer, nous, sur son système un jour, sur le note, si on en a l'occasion aussi. Et ouais, je propose qu'on s'écoute une petite musique, histoire que tu t'installes. Yes. Et après, on va y aller avec du gros stepper à retrouver en live stream sur Facebook et sur le 102.2. On s'écoute Derek Parker avec le morceau Long Night. Now, son boy, you barking up the wrong tree. You are got dead and buried. Son boy gang around. We lock the city and now we rule the town. Tonight is the night we know you're going down. With all of your followers, your friends and your crowd. I'm gonna put you in my killing machine. You are go all around ball and it's gonna happen. Your judgment, we gonna lay you to rest in your one apartment. No way to run or no place to hide. Looking at we face, so we boss him a smile. To demolish your sound is easy. We duck plate to your face, we kill you quickly. Son boy, you are so insane. Tonight is the night you're going down the drain. Because the brains mix up, your son it won't fix up. Tonight is the night you're gonna bite the dust. No long time. Another dance tonight. Soon boy you are gonna lose your life. You're gonna have a long, long night. Another dance tonight. Box turn over and you lose your life. Long time with it, you the one. But you refuse to listen. You're gonna have a long, long night. Another dance tonight. Box turn over and you lose your life. Long time with it, you the one. But you refuse to listen. Tree. listening, but you refuse to listen. Hey. Yes, aïe, on est en direct dans Campus Hi-Fi sur Radio Campus Montpellier. Il est 22h22 et c'est une heure parfaite pour commencer le live de Jaël. Écoute, c'est quand tu veux. Started with an email from a retired sergeant in the Modesto Police Department. He claimed veteran officers taught new recruits to beat anyone who ran from them. Then another complaint soon after. wrestling with shock. Votre conception de vous-même. La santé, la richesse, la beauté et le génie ne sont pas créés. Et cette conception de vous-même comprend tout ce que vous reconnaissez et considérez être vrai. signifie que vous faites tout ce que votre culture et votre famille attendent de vous, conformément à ce pourquoi on vous a programmé. Cela implique que vous entriez dans le moule. Vous fassiez tout ce que l'on attend d'un honnête citoyen. Ensuite, vous prenez votre retraite, vous jouez avec vos petits-enfants et ultimement vous mourrez. À cette énergie invisible et sans limite qui se cache derrière vos yeux et possède des intérêts bien différents de ceux de votre moi. I know.

Prince, non-stop dog on Chris, out over his mercy. What's in the dead of a ground? Give a bunch of my granola. I don't walk like a champion, talk like a champion. What a piece of money, girl, tell me where you get it from. So let's go respond. Satisfy your emotion. Hot off of the press. Instantly she bust. She no old and tough, and she no got time no rust. Seems smooth and precious, like she never get a cut. Pants on to expand. I've got to all and pull up. Giddy up me, I forget to ease a mouse. Think I walk like a champion, talk like a champion. What a piece of body done. Tell me where you get it from. Now find your entrance. Ram pa pa pam pam. Can't let me in me and me thing. But no fun a girl, you no look for them way. You look cool enough to guess no matter what I can say. Put on your clothes, it's like a display. Fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly. Yes, c'était Jaël dans Campus Hi-Fi. Merci beaucoup, tu nous as régalé, c'était super lourd. Gros stepper. Merci à toi encore d'être venu. Merci à toute l'équipe de Campus Hi-Fi, à Yanis et Flo à la technique, à Romain pour ta petite chronique sur Panda Dub, à Ludo pour ton retour sur le concert d'Ayton. C'était à toi, Cédric. Ne pas oublier quand même, merci à toi. Bah, de rien, Romain. On se retrouve quand, Romain? On se retrouve le lundi 24 juin. Oh, c'est le... compliqué. Exactement, ouais. Mais ce sera sûrement moins la prochaine fois. Ce sera la dernière émission de la saison. Et on sera en compagnie de Travel Sound pour vous faire découvrir un petit peu de leur univers à travers une interview et bien sûr un petit live. Donc on se retrouve dans un mois, à peu près. Merci beaucoup Romain, c'était Campus Sci-Fi. On se retrouve du coup le 24. Passez une bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Montpellier. Ciao, ciao. What's the time you have the dread? 12 o'clock, nothing.